Naïveté égale paresse, pas nécessairement. C'est que l'ego est programmé pour se désinformer lui-même. C'est des vieux mécanismes de survie qui engendrent la subjectivité. Donc, il va être naïf pour se protéger du réel, de la réalité. Il va vouloir voir ça comme il veut, comme il voudrait que ce soit. C'est pour ça que, il y a longtemps, même j'étais assez jeune, je me suis dit, je veux voir les choses comme elles sont. Je veux pas me faire d'illusions, je veux voir les choses comme elles sont, même si ça fait mal. Je pouvais pas me douter que ça allait me rendre psychiquement malade, que finalement, en demandant, je veux voir les choses comme elles sont, que j'allais en partie l'avoir, puis que ça allait me troubler comme ça. Mais il reste que je le sais que ça ira pas bien. Je le sais parce que c'est une question de déduction logique, entre autres de mécanique, puis. Mais est-ce que c'est vraiment. Oui, ben ça peut engendrer un manque de courage. Mais l'ego, il se désinforme lui-même pour se protéger. Mais tôt ou tard, ça ne marchera pas. Tôt ou tard, on n'a pas le choix de faire face. Donc, c'est que partie remise, c'est remettre. C'est, je dirais, est-ce que c'est du manque de courage ou de la naïveté? C'est de la procrastination, quelque part. Puis ça, ben, ça ne vient pas d'un choix de l'ego, c'est les événements. C'est l'événementiel qui nous force à brûler de la naïveté. Ouais, bon. Bonne journée.